Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets le ciel au-dessus de ta couche. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Mademoiselle Jennifer. Merci, Johnny. Bon anniversaire. Merci. Et si vous avez manqué notre diffusion, ah, soyez pas désespérés, vous n'allez pas me taper une déprime quand même. Bon, alors, il vous suffit simplement de retrouver le podcast. Rendez-vous sur le site de Radio Fagette. Vous recherchez votre émission, en l'occurrence la cerise sur le canto tiré Patchwork. Vous cliquez sur le titre de l'émission et vous accédez au podcast de la dernière émission. Voilà, vous n'avez rien perdu du tout. Et n'oubliez pas également de vous rendre sur la page Facebook de la cerise sur le canto tiré Patchwork pour y jouer au tiercé des chansons. Allez, place à la sélection du jour. Samedi soir sur la terre est le 8e album de Francis Cabrel, sorti en 1994 et certifié disque de diamant et vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Alors, c'est l'album le plus vendu de l'artiste et l'un des plus vendus en France. Toutes les chansons sont écrites et composées par Francis Cabrel et Samedi soir sur la terre en est le 4e titre. Samedi soir sur la terre, Francis Cabrel. Elle le voit, elle le veut, et ses yeux font le reste. Elle s'arrange pour mettre du feu dans chacun de ses gestes. Après, c'est une histoire classique. Quelle que soit la fumée, quelle que soit la musique, elle relève ses cheveux, elle espère qu'il devine dans ses yeux de figurine. Il s'installe, il regarde partout, il prépare ses phrases. Comme elle s'est avancée un peu, d'un coup leurs regards se croisent. Après, c'est une histoire normale. Le verre qu'elle accepte et les sourires qu'il étale. En s'approchant un peu, il voit les ombres fines dans ses yeux de figurine. Pas la peine que je précise d'où ils viennent et ce qu'ils se disent. C'est une histoire d'enfant, une histoire ordinaire. On est tout simplement, un samedi soir sur la terre. Un samedi soir sur la terre. Ils se parlent, ils se frottent.

d'amoureux a-t-il vu passer le grand chêne ? Combien de serments, de promesses, de fausses promesses tu parles ? Combien de noms gravés se sont effacés ? Une chanson de Jean Tranchant de 1936, Les prénoms effacés, Fred Allison. Combien de prénoms se sont enlacés? Combien de serments, de fausses promesses se sont échangés sous son ombre épaisse? Combien d'amoureux, ivres de plaisir, ont gravé gaiement tous leurs souvenirs? Qui dira le sort des amants lassés, dont les doux prénoms se sont effacés? Ahmad, né en 1915 à Isle-sur-Tête, Pyrénées-Orientales, et décédé en 1992. Je ne connaissais pas, mais c'est un petit peu normal. C'était un haut fonctionnaire de police. Préfet, s'il vous plaît. Préfet hors cadre, certes, mais aussi auteur et parolier de chansons. Il fut l'un des paroliers d'Edith Piaf, et celle-ci lui présentait un jour le jeune Gilbert Bécaud. Alors, ils travailleront immédiatement ensemble avec Gilbert Bécaud et ils produisirent de nombreuses compositions, dont L'Absent, sorti en 1960, L'Absent Gilbert Bécaud. Quelle est lourde à porter l'absence de l'ami, l'ami qui tous les soirs venait à cette table et qui ne viendra plus. La mort est misérable qui poignarde le cœur et qui te déconstruit. Il avait dit

que sont devenus les compagnons de la chanson ? Comme tout le monde, ils ont pris de l'âge, et la plupart d'entre eux sont allés chanter ailleurs, sous d'autres cieux. Attention, c'est un véritable monument aux morts. Guy Bourguignon, basse, est décédé en 1969. Jean Broussol, baryton et compositeur, nous a quittés en 1984. Jean-Pierre Calvé, ténor et parolier, en 1989. Jo Frachon, vous savez, le grand, il avait animé les chiffres et les lettres, basse, en 1992. Hubert Lancelot, baryton, en 1995. Jean-Louis Jaubert, qui avait des responsabilités à la Fédération Française de Football, c'était une basse, en 2013. Gérard Sabat, baryton, en 2013 également. Alors, restent, sont encore dans ce monde, pour aller fleurir leur tombe, Michel Cassez, surnommé Gaston, et à 88 ans, il se produit encore avec son jazz band. René Mella, 93 ans, et le soliste et principal ténor, Fred Mella, 95 ans. Encore longue vie à eux trois, qu'il fait bon vivre les compagnons de la chanson. Sur les chemins par le monde, j'ai navigué longtemps avant de m'apercevoir que notre terre était ronde comme un ballon d'enfant. Je reviens plein d'espoir. Il fait bon vivre quand on revient chez soi. Silva. Ah, 1885-1941. Couturière, puis femme de chambre, elle fut maman très jeune. À 16 ans, elle eut un enfant dont elle ne s'occupa pas. Celui-ci fut confié aux grands-parents et Berthe Silva ne vit son fils que trois fois dans sa vie. Elle se mit à la chanson en 1908. Et elle vit plus souvent la bouteille que son fils. Sa voix précise se mariait très bien avec la technologie en plein essor du microphone et de l'enregistrement électrique. Son registre vocal étendu, la qualité de son interprétation tantôt pathétique, tantôt enjouée, son physique ingrat de femme meurtrie par la vie, puis Pearl Pinard aussi, furent les clés du succès qu'elle connut de son vivant. Succès ancien des années 30, succès d'opérette comme de cabaret, chansons réalistes, musette, musique de film à grand succès, Berthe Silva excellait dans la chanson narrative, une chanson de 1935, « On n'a pas tous les jours 20 ans, Berthe Silva ». La

dans tes yeux où s'attarde cet amour qui nous garde. C'est en 2017 que Juliette Bazenet et Johan Putet réalisent sous le nom de KOS leur entrée remarquée sur la scène électropop française. Et puis, ils ont changé de nom. Ils se font désormais appeler Octavio May. Ils passent de l'anglais au français entre récits d'insomnie et rêves éveillés. On a la culture des poils qui se hérissent. On voulait de l'efficacité, des morceaux immédiats, grandioses, avec des refrains qui restent en tête, rêverie, Octavio May. Allongé sur le sol, j'ai le cœur qui résonne dans son écho. L'oubli pris par le col, la raison qui frissonne, donne le go. Ces rêveries ravivent mes nuits, resteront-elles avec moi? Allongée sur le sol, j'ai le corps qui décolle, le temps qu'il faut. Passion subliminale, t'as pris le pas sur mon idéal. Je rêve encore, plongée dans la passion subliminale, à l'aube j'ai pu. J'en rêve encore une fois. Ma mémoire en cavale, le passé qui déraille à l'aspect mière. Le voyage qui s'installe, j'ai l'essence en pagaille, monte la fièvre. Ces rêveries ravivent mes nuits, s'en iront-elles avec moi? Ma mémoire en cavale, agirait en rival. Le temps qu'il faut. Passion subliminale, t'as pris le pas sur mon idéal. Je rêve encore, plongé dans la passion subliminale, à l'aube j'ai pu lever les voiles. Indiscrétion, blasphème. C'est le 12e album de Julien Clerc. Il est sorti cet album en 1982. Grâce à cet album, Julien Clerc vendit enfin un 45 tours de façon considérable. Lily voulait aller danser, chanson numéro 7 de l'album, sur des paroles de Luc Plamondon, devint un disque d'or pour plus de 500 000 exemplaires vendus. Allez, vous êtes prêts? On plie les tapis, on pousse les chaises, les tables. Lily voulait aller danser Julien Clerc. C'est ainsi que s'achève la cerise sur le canto numéro 24, consacré à la chanson française. Merci à Yves pour les réalisations techniques et surtout merci à Antoine qui a tenu les manettes de cette émission de A à Z aujourd'hui. Alors Antoine, c'est un stagiaire, il est musicien, il joue du piano et il est plutôt fan de Jean-Sébastien Bach, Chopin, Mozart et compagnie. Ben voilà, il s'est très bien débrouillé dans une émission de variété française. Alors, c'est son dernier jour aujourd'hui. Nous allons te souhaiter, Antoine, une bonne suite pour ta carrière. Alors, n'oubliez pas de jouer au tiercé des chansons en vous rendant sur la page Facebook de l'émission. La prochaine cerise sur le canto, c'est dans 15 jours. Mais nous serons quand même avec vous dimanche prochain pour vous présenter Patchwork à l'écoute des musiques du monde. En attendant, soyez heureux et branchés sur Radio Pagelette Nancy 94.2. Ça, c'est pour les Lorrains. Et pour les autres Européens, ben vous allez sur le net quand ça fonctionne, pagelette.net en ligne. Allez, au revoir.